Auditeurs de Canal B sur l'antenne du 94 MHz ou en streaming sur internet, c'est l'asile le plus sûr. Et pour cette émission, on pourrait dire de rentrée, puisqu'on est début septembre et c'est toujours un peu dur les rentrées, je propose une petite séquence de musique à la coque, du post-punk assez dynamique, produit par cet excellent micro-label italien du même nom, musique à la coque, qui réédite pas mal de bonnes choses depuis quelques années, notamment ce Tank of Debil qui vient tout juste de voir le jour, un LP de 1982 sous le nom de Not Trendy, une sorte de post-punk enflammé par ce combo originaire de Cologne, enregistré d'ailleurs par le mythique ingé son Connie Plank. Un groove assez hypnotique qui lorgnait beaucoup du côté de la new wave new-yorkaise, entre le funk à vif des Contortions de James Chance ou encore la hargne de leur contemporain britannique Blurt. Donc il s'agit de la réédition de leur tout premier album de 1982. Enfin, ils n'ont pas été très très actifs, ils ont sorti uniquement deux disques. Je ne sais pas s'ils continuent à faire de la musique, s'ils ont participé à d'autres projets. En tout cas, c'est une réédition assez méritée et assez attendue de ce premier album, ainsi que leur premier EP et quelques inédits par ce fameux musique à la coque, The Slowest Label in the World. Je propose d'écouter un titre de Tank of Debil, The People Are Hungry. Un petit détour du côté du groove un peu bancal des années 80 avec différentes sonorités et des groupes édités, réédités par le petit label de Pino Monte Calvo, Musique à la Coque, un label basé dans la région des Pouilles. On a entendu tout d'abord le Tank Off Débil, qui est un CD qui vient tout juste d'être réédité par les bons soins de ce label transalpin, qui était suivi par Bastone Trap. Et l'album Trapping, qui était aussi à peu près de la même époque, le Not Trendy de Tank Off Débil de 1982, ce Trapping sorti à l'époque sur leur propre label BTT Records en vinyle, ça datait de 1983. Donc Musique à la Coque a réédité également cet unique album d'une formation encore plus méconnue que ses contemporains teutons. Il s'agissait en fait d'un combo qui se voulait un peu la réponse de Sheffield en Angleterre à l'Art Ensemble of Chicago, mais il pratiquait une sorte de jazz post-punk assez inspiré aussi par Frank Zappa et le rock In Opposition, un ensemble de 6 musiciens qui ne ménageaient pas sa peine, une section rythmique plutôt pas manchot, deux guitaristes et deux saxophonistes dont Martin Archer qu'on connaît dans le jazz free improvisé britannique depuis une bonne vingtaine ou trentaine d'années et qui a publié notamment ces dernières années des disques assez excellents en compagnie de la chanteuse Julie Tippetts. J'avais eu l'occasion de vous proposer ça dans l'asile le plus sûr. Donc Musique à la Coque, label spécialisé sur le rock à la marge, de traverse, no wave, folk bizarroïde, musique un peu inattendue et électronique kitsch. Ils avaient notamment réédité aussi une cassette d'un obscur projet de Pierre Bastien, New Creative Methods. Voilà, on va continuer avec des sonorités quasiment de la même année et le projet Plus Instruments et l'album Exile in Paradise qui vient de voir le jour grâce au bon soin du label spécialisé dans la réédition vinylique des musiques expérimentales, un tantinet industriel des années 70 et 80 dont s'occupe monsieur Franck Meyer, le label Vinyle en demande, qui vient de démarrer une série de minimal synthwave de 12 vinyles, pas moins, et donc qui vient d'éditer un album entier d'enregistrements inédits de 1982 de la hollandaise Trousse de Groot, qui se produisait dans ces années-là sous le nom de Plus Instruments. Donc cette musicienne batave avait démarré ce projet à la fin des années 70. Lorsqu'elle avait rencontré le fameux Rich Chatham, elle s'était comme de juste installée à New York au début des années 80 et elle avait embarqué avec elle le batteur David Linton ainsi que le jeune Lee Ranaldo qui n'avait tout juste commencé qu'à triturer ses cordes de guitare avant d'intégrer Sonic Youth. Au printemps 2012, l'excellent label des gens de la boutique parisienne Bimbo Tower, Poutre Apparente, avait réédité son tout premier album qui était sorti en 1981 sous le nom de February April 1981, un album de ses pièces de l'année suivante, plutôt marqué par DAF, Cabaret Voltaire, Suicide et autres, Einstürzende Neubauten, vient donc de voir le jour sur vinyle en demande sous ce titre Exile in Paradise. Et juste pour conclure avec cette trousse de Groot. Elle est toujours assez active. Elle a produit déjà un album il y a 2-3 ans. Et elle devrait sortir prochainement également un album entier de nouvelles pièces sous le titre de Transsonics. Et je crois qu'il y a des extraits qui sont écoutables sur son SoundCloud. On écoute Plus Instruments et un extrait de ce Exile in Paradise. Et donc, comme de juste, le morceau In Paradise. Oh. À l'instant, sur l'antenne du 94 MHz, vous avez pu entendre deux prêtresses des musiques un peu gothiques sur les bords. Tout d'abord, la hollandaise Truus de Groot et son projet Plus Instruments, où on la retrouvait plutôt en tant que soliste sur ce Exile in Paradise qui a été édité l'été dernier. Il s'agit de pièces de 1982, mais qui étaient restées jusque-là inédites de ce projet un peu électro synth goth de la fin 70, début des années 80, donc édité par le label de Frank Mayer, Vinyl en demande. Je crois qu'elle est retournée vivre aux Pays-Bas après son incartade new-yorkaise du début des années 80 et continue toujours à produire avec musique électronique et sa voix assez incroyable. Et c'était enchaîné avec une sorte de diva de l'électro post-Cold Wave. Il s'agissait de Nika Rosa Danilova alias Zola Jesus et ce tout nouvel album qui vient de sortir sur le label de Brooklyn, qui sort à peu près tous ses disques depuis The Spoils. Celui-ci s'appelle Version, un disque qui est né de l'opportunité qui lui a été offerte lors de sa tournée de son précédent album Conatus, de se produire au musée Guggenheim à New York et de jouer avec un quatuor à cordes, un vrai quatuor, en l'occurrence le Mivos Quartet. Et pour l'occasion, elle avait recruté pas moins que le fabuleux Jim Searlewell alias Fuetus pour arranger ses morceaux. Et donc de cette rencontre est né cet album, des titres puisés dans son répertoire de l'album Conatus et aussi des disques plus anciens réarrangés et enrichis avec des textures de vraies cordes et parfois des beats un peu électro, mais ses compositions et sa voix en sortent plutôt grandi et magnifié, un disque qui est plutôt pas mal, assez chouette pour cette rentrée 2013, avec un inédit qu'elle a sorti, je crois d'ailleurs, en single. Et si la musique de Zola Jesus vous intéresse, elle passe en tournée en Europe et elle devrait se produire au Café de la Danse à Paris, je crois que c'est le 4 octobre. On continue avec des musiques encore un peu post-punk, on pourrait dire, mais contemporaine. Il s'agit des Suisses de Mir, le trio assez percussif mené par Marco Papiro, qui a sorti son deuxième album long, c'était avant l'été, sous le titre Shock Your Money Maker. C'est sorti sur le label A Tree in a Field, qui doit être leur propre maison de disques d'ailleurs. Le premier album était sorti en coproduction avec Wallace Records il y a pas moins de 4-5 ans, donc pas une grosse production, mais ils ont pas mal de side projects, les gens de Mir. On écoute un extrait de ce Shock Your Money Maker, le morceau Karma Fuck Up. Thank you. êtes toujours dans l'asile le plus sûr sur l'antenne du 94 MHz. On a entendu une séquence avec pas mal de choses à suivre. On avait commencé avec l'album Shock Your Money Maker des Suisses de Mir, et pas le morceau que je prévoyais de vous passer, ce qui m'a donné l'occasion de vous proposer deux extraits de ce disque sorti au printemps dernier sur A Tree and a Field. À la place, donc, on a entendu pour commencer une séquence un peu à la Sister Ray du Velvet Underground, puis un morceau un peu plus rythmé pour montrer un peu la diversité de cet excellent disque du trio de Marco Papiro, qui était enchaîné avec un jeune combo français originaire de Clermont-Ferrand, si je ne m'abuse, du nom de Ultrazouk, mené par Benjamin Bardiot, qui a produit deux maxi à son actif, dont le dernier Épuse avec deux Z. Le premier, c'était Épuse avec un seul Z. Alors je ne sais pas si ça s'entend à l'antenne, Épuse. Épuse est sorti au printemps donc dernier, un trio plus ou moins porté sur l'électro, un peu une sorte de électrique dans le genre, pour ce trio batterie, clavier, guitare, basse, qui se produit à Rennes cette semaine dans une soirée de rentrée de l'association Musique Alambic qui se tiendra au café La Bascule. Ce sera donc ce vendredi 6 septembre. Ultrazouk qui sera en compagnie de Erwan Salmon pour un set de saxophone soliste qui risque d'en surprendre un certain nombre. Voilà donc deux projets que vous pouvez écouter d'ailleurs sur internet, Ultrazouk avec deux O sur son Bandcamp et Erwan Salmon, c'est sur son Soundcloud, et plus d'informations sur le Facebook Festival Musique Alambic. On a terminé la séquence avec un musicien allemand mais d'origine syrienne. Il a grandi en Allemagne. Et il habite du côté de Berlin, Rachad Becker et son disque Traditional Music of Notional Spaces Volume 1 qui vient tout juste de sortir sur, c'était au début du mois de juillet, sur le label Panact, le label de Bill Kouligas. Rachad Becker qui est un ingénieur son à la carte de visite assez fournie. Il a enregistré quantité de projets expérimentaux, notamment pour le compte du fameux studio du Plates and Masterings de Berlin, et aussi dans son propre studio Klung, notamment pour le label Imego, aussi pour Panact, beaucoup de projets un peu post-industriels, de travaux électroacoustiques également. Donc c'est son premier disque long sur Panact, et il était largement temps qu'il produise sa propre musique, vu le côté assez inouï de cet album Traditional Music of Notional Spaces, sorte de musique entre les instruments inventés de genre le daxophone ou encore certaines recherches électroacoustiques de Yanis Xenakis, mais une musique qui est plutôt assez chaleureuse dans les textures. On pense aussi à, je sais pas, du Black Dice, des choses comme ça, mais avec un côté encore plus distordu, et on espère bien évidemment qu'il y aura un deuxième volume, voire peut-être une série complète sur plusieurs mois de la musique de Rachad Becker. On va continuer avec un musicien qui se produit à l'automne prochain, à Nantes, dans le cadre du festival Soy. Il s'agit de Kaspar Brotzmann, Caspar Brotzmann, qui sera en concert au Stéréolux le 1er novembre en compagnie de The Axan Cloak notamment et son projet Massacre. Le festival Soy qui produit il propose pas mal de belles choses comme chaque année, notamment il y aura la venue assez exceptionnelle de The Fall le 31 octobre à la maison de quartier de Doulon, donc en périphérie de Nantes. Également Jérusalem in my heart à Luc Todolo et une grosse soirée au lieu unique avec Deer Hunter, Jackson Scott et Yo La Tengo. Vous avez pas mal d'informations sur festivalsoy.org pour avoir la programmation complète et je vais vous proposer donc un bout d'un nouveau disque de Caspar Brotzmann, donc qui est le fils du saxophoniste Free, allemand assez célèbre et fameux, qui n'avait pas produit de nouvel album depuis pas mal d'années. Je pense qu'il était un peu en stand-by, mais ce qui n'est pas très étonnant vu le volume sonore et le côté assez explosif de la musique qui produit depuis pas mal d'années, et notamment avec ce nouveau Power Noise trio aux côtés de Marino Pliakas à la basse électrique et Michael Vermuller à la batterie, qui sont deux musiciens qui jouent au sein de Full Blast, dans lequel on retrouve Peter Brotzmann. Voilà, on va écouter une assez longue pièce en fait, extraite de cet album qui s'intitule No Home et qui vient tout juste de sortir sur le label autrichien Trost. Donc quatre longues improvisations post Jimi Hendrix. On écoute Caspar Brotzmann. une séquence d'avant-scène rock avec pas mal d'improvisation qui a démarré avec Kaspar Brotzmann et son nouveau projet No Home qui vient de sortir sur le label autrichien Trotzt en CD en prélude à son concert qu'il devrait donner avec son Massacre et mettre le feu au Stéréolux pour le festival Soy le 1er novembre prochain, qui était enchaîné avec à l'instant donc le projet Whisperings, The Bird, The Breath and The Razor Sharp Dream, un CD sorti un peu avant l'été sur le label suisse lui aussi, il n'y a pas que des mauvaises choses en Suisse, Unit Records, donc un combo avec pas mal de musiciens de là-bas, notamment le batteur Lionel Friedli, le pianiste claviériste Michel Winch, l'excellente vocaliste et électronicienne sound artist compositrice Francisca Baumann, qui rencontre pas moins que Fred Friis en personne pour ce disque qui est le deuxième de leur collaboration sous ce nom. Le premier album éponyme d'ailleurs était sorti sur Rec Rec Records il y a pas moins de 10 ans. Voilà, on va continuer avec des francs-tireurs, là encore d'une sorte de free avant-rock, mais qui tracent leur sillon à l'abri des regards et de un peu l'antipode, puisqu'ils sont néo-zélandais. Il s'agit des Dead Sea, les Dead Sea qui ont un tout nouveau disque qui vient de voir le jour sur le label de Brooklyn qui édite la plupart de leurs frasques. Celui-ci s'intitule Armed Courage. Donc il est édité par Metemkin comme de juste. The Dead Sea qui a pas loin de 26 ans au compteur, qui est constitué de Michael Morley, guitare chant, Bruce Russell également guitariste, et Ropi Yeats à la batterie. Donc une quantité de disques à leur actif, je vous disais. J'avais eu l'occasion de vous passer la collaboration, le split en compagnie de Rangda. Je crois que c'était au début de l'année, un peu au printemps, également sur Badabing. Et donc Badabing récidive avec ce Armed Courage et deux longues pièces. Et on va écouter, je crois que c'est la pièce Courage d'ailleurs, qu'on va écouter en partie, puisqu'il s'agit de deux très longues pièces. On écoute The Dead Sea sur l'antenne du 94 MHz. Courage, un superbe blues au grésillement noisy des sublissimes The Dead Sea avec ce nouvel album Armed Courage sorti qui sort ces jours-ci plus exactement sur le label Badabing Records. Donc le projet de Michael Morley, Bruce Russell et Robbie Yeats, trio originaire du pays du Kiwi, la Nouvelle-Zélande. Voilà. On va continuer avec une séquence encore assez longue et cette fois du jazz free comme de juste à cette heure sur Canal B à l'écoute de l'Asile le plus sûr et un nouveau disque de Ken Vandermark et son projet Topologie Nonette qui rend hommage à la musique du saxo-trompettiste Joe McPhee avec cet album sous le titre Impressions of Pop Music. Alors c'est sorti sur le label de Chicago Oka Disc qui publie pas mal de choses de Ken Vandermark depuis 15-20 ans. Et donc on retrouve le saxophoniste en compagnie d'une ribambelle d'autres musiciens de Chicago, notamment Jeb Bishop au trompone, Tim Daisy à la batterie, Ken Kessler à la basse, Fred Longbear-Holm au violoncelle, également Dave Rampis au saxophone, Jason Adas Jovitz, qui est le vibraphoniste qui monte, qui monte, qui monte, et Joe McPhee, donc au saxophone ténor, pour une très très belle heure de musique. Et on va écouter le titre qui démarre cet album, donc un titre assez long, extrait de ce Impressions of Pop Music par Ken Vandermark, Topologie Nonette. Le morceau s'intitule Impressions of Astral Spirit. On écoute Ken Vandermark en compagnie de ses acolytes et donc de Joe McPhee. Thank you. un extrait de ce très beau disque Ken van der Mark, Topologie Nonette, joue la musique de Joe McPhee, Impressions of Pau Music. C'est sorti sur le label Oka Records, c'est l'un des derniers disques en date de Ken van der Mark, qui rend hommage donc au saxophoniste trompettiste, l'un des rares musiciens à réussir à jouer tout autant de l'un et l'autre de ses instruments. Joe McPhee qui a par ailleurs aussi un disque assez incroyable, deux longues pièces d'improvisation saxophonistique sur le label portugais Clean Fit sous le titre Sonic Elements qui vient de sortir. Et quant à Ken van der Mark, il a aussi un album en duo en compagnie de Mats Gustafsson. C'est la première fois qu'ils sortent un disque ensemble. C'est sur la toute nouvelle étiquette de disque Corbett versus Dempsey. Voilà, je propose d'écouter un dernier morceau avant de rendre l'antenne. Il s'agit de la musique de Bimask, qui est un musicien plutôt électronique ou électroacoustique américain, Chris Madak de son vrai nom, qui a sorti des choses sur le label australien Room 40 ou encore sur Spectrum Spool, la subdivision du label autrichien Imego. Imego qui lui rend hommage avec un album de remix par un producteur transalpin du nom de Donato Dozzi. L'album s'intitule comme de juste Donato Dozzi plays Bimask, et c'est une musique vraiment très très belle. On aura sans doute l'occasion d'en entendre d'autres extraits dans l'asile le plus sûr courant du mois de septembre. Je vous souhaite une bonne semaine et une très belle nuit, et je vous dis à bientôt. On écoute la musique de Bimask jouée par Donato Dozzi. Bonne nuit, à bientôt.